Hasta ahora hemos visto la cadena directa. Et on a eu les chaînes croisées. Donc on a vu que les premières sont plutôt impliquées dans l'action de se redresser. Las primeras están relacionadas con la acción de karma. Et les secondes dans la locomotion. Mais en fait, de manière plus générale, dans l'action. Pero de manera más general en la acción. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au niveau de la régulation posturale, il y a deux phénomènes. Hay que entender que en la regulación postural va a haber dos fenómenos. Donc à savoir la position, la position et le mouvement. Et le mouvement. Alors, on a défini par convention que la chaîne croisée, on la nommait par le côté podal. Decidieron por convención nombrar a la cadena cruzada por el pie. Donc là, on a une chaîne croisée gauche. En este caso, tenemos una cadena cruzada izquierda. Alors, si on regarde les possibilités de chaîne neuromusculaire, si valoramos las posibilidades de cadenas neuromusculares postérieures, on va avoir, donc il va y avoir des directes ou des croisées. Podemos tener directas y cruzadas. Les directes et les croisées peuvent être droite ou gauche. Et les directes et les cruzadas peuvent être ou derechas ou izquierdas. Donc ça nous laisse 4 possibilités. Et donc, ça nous lleva 4 possibilités. Alors, si jamais vous aviez un patient qui avait ces deux chaînes directes et ces deux chaînes croisées perturbées, si alguna vez tenéis a un paciente qui tenga 2 cadenas directas ou 2 cadenas cruzadas, bien. Une probabilité de quoi? Hay una probabilidad de que. Okay. Donc on n'aurait pas a priori peut-être utilisé les grilles au moment. Entonces, a priori, no vamos a utilizar este cuadro, este esquema terapéutico. S'il y a des chaînes partout, essayez de revenir en arrière. Si hay cadenas por todo, tenéis que intentar ir más. C'est pas qu'on puisse pas travailler, mais c'est que ça devient très complexe. C'est pas qu'on ne pourrait pas traiter, mais ça devient complexe. Et puis surtout, il y a quelque chose de hiérarchiquement plus important que le côté musculaire. Y hay algo que es jerárquicamente más importante que el aspecto muscular. Donc, si on a une chaîne directe droite, et une chaîne croisée gauche. Si tenemos una cadena directa derecha y una cadena cruzada izquierda, on définit que ça correspond à une chaîne mixte en A. Et on a le A qui est représenté là. Decimos que tenemos una mixta en A y la A corresponde a esa forma. Et puis, on peut avoir le cas opposé, une chaîne directe droite, une chaîne croisée droite, ça fait des chaînes mixtes en V. Y podemos tener el caso opuesto, que tenemos una cadena directa derecha, una cadena cruzada derecha, y tenemos un mixto en U. Donc voilà, les deux chaînes dont on peut disposer. Enfin, les deux chaînes mixtes qu'on peut avoir. Alors, donc, vous rappelez, donc, on vient de revoir, mais on n'utilise pas la grille des chaînes neuromusculaires dans les dysfonctions systématisées. Alors, acabamos de ver, mais on utilise la tabla de neuromusculaires en pacientes systématiques. Donc, ça veut dire que dans mon protocole, quand je suis en dysfonction localisée, la première chose que je vais évaluer, y a-t-il une dysfonction neuromusculaire? Et quel est le test qui va me permettre de le présupposer? Le scope. Comme tout test, ce n'est pas forcément exhaustif. Como todos los test, no es forzosamente exhaustivo. Mais si vous avez un skieur, vous allez vous orienter donc vers une asymétrie tonique. Pero si tenemos un esquiador, nos va a llevar hacia una asimetría tónica. Et si y a une asymétrie tonique, peut-être qu'il y a une chaîne de muscle. Y si existe una asimetría tónica, puede que exista una cadena neuromuscular. Je vous rappelle ce qu'on dit depuis l'année passée. Recuerda lo que dijo el año pasado. Le fait qu'il y ait des lois du tonus. El hecho de que existan leyes del tono. Dépendent des réflexes posturaux. Que dependen de las leyes posturales. Fait qu'il y a des côtés non aléatoires dans les asymétries posturales. Et hace que haya lados no aleatorios a nivel postural. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est du 100%. Pero eso no significa que sea así en el 100% de los casos. Quand on est sur quelque chose de biologique. Cuando estamos en algo biológico. C'est jamais à 100%. Nunca suele ser al 100%. Donc, on vous a dit qu'on est dans des schémas thérapeutiques qui vont marcher dans 80% des cas. Estamos diciendo que estamos en esquemas terapéuticos que van a ir bien en el 80% de los casos. Donc, on fait le skieur. Hacemos el esquiador. Suspicion la chaîne neuromusculaire de la croisée. Sospechamos una cadena neuromuscular directa o cruzada. Et on demande au patient de s'allonger sur le dos. Y le pedimos al paciente que se ponga de arriba. Donc, si on fait un petit tableau récapitulatif. Si hacemos una pequeña tabla de resumen. Donc, on a dit que au niveau de la chaîne directe, on allait prendre quel muscle? Le semi-épineux. A nivel de las cadenas directas, ¿qué músculo vamos a coger? Et le solaire. Y el solaire. Au niveau croisé, de par l'ubiquité du muscle. Et a nivel cruzado, por la ubicuidad de los músculos. On va avoir le splenius de la tête. Vamos a tener el esplenio de la cabeza. Et le fibulaire. Y el fibulaire. O el fibulaire. Donc, bon, vous avez bien compris que le fibulaire, le long péroné latéral, il était décrit par certains auteurs comme le gardien de la vie. Entenderéis bien que para algunos autores el peroné largo se describe como el guardián del arco. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Lo entendéis por qué? Totalmente. Qui passe sous le pied, c'est pas suffisant. Que passe por debajo del pie, no es suficiente. Pourquoi il ferait de la supination le long péroné latéral? Pourquoi il dit qu'il y a une supination du péroné latéral? Il va croiser en plantaire, donc il passe au niveau du cuboïde et il va l'exterminer, on va dire, à la base du premier méta. Va passer par le bas du cuboïde et va l'exterminer à la base de los metas. Si tu mets ton point fixe en haut, ce que tu es en train de faire. Si tienes tu punto fijo arriba, que es lo que está diciendo. Flexion, enfin extension, je suis d'accord. En extensión, él está de acuerdo. Mais forcément, tu as une pronation. Pero forzosamente es una pronación. Alors. Donc on n'a pas avancé. Donc alors, pourquoi le long péroné latéral est le gardien de la route? Y entonces, ¿por qué el peroneo largo es el guardián del arco? Et je vous demande des explications posturaux logiques. Él tiene explicaciones posturológicas. Ça marche en espagnol ou en français? Logique aussi, c'est pareil. Voilà, voilà, exactement. Oui, d'accord. Mais c'est deux idées indépendantes. Mais je souscris à la première idée. Cogiendo la primera idea. Le rôle du solaire, pardon, du péronnier, c'est quoi? C'est de ne pas tomber en dedans. El rol de los peroneos, ¿cuál es? Es no nos deja caernos hacia adentro. Et on sait que les mouvements dans le plan frontal, effectivement, sont associés à une rotation. Y sabemos que los movimientos frontales están asociados a una rotación. Alors, c'est bizarre, parce que tout le monde le comprend très bien par rapport au solaire. Porque esto lo entiende todo el mundo muy bien para el solio. Qu'est-ce qui fait le solaire? Bah, il empêche de tomber en avant. ¿Qué es lo que hace el solio? Nos impide caernos hacia adelante. Hein, puisque la ligne de gravité, elle est antérieure à l'axe du mouvement. Porque la ligne de gravedad es anterior al eje de movimiento. Et d'évidence, la ligne de gravité, elle est médiale par rapport à l'axe du mouvement. Y evidentemente, el eje de movimiento, la ligne de gravedad es médiale à l'eje de movimiento. Ça, c'est clair pour tout le monde. Esto está claro. Donc, si je me mets sur un pied, ma ligne de gravité m'emmène où? En avant, en dedans et en rotation interne. Entonces, si me pongo yo encima de mi pie, mi línea de mi centro de gravedad me lleva hacia adelante, hacia medial y en rotación interna. Donc, le solaire, c'est un peu schématique, va contrôler l'antériorisation. Entonces, el solio va a controlar la anteriorización. Et les péroniers vont contrôler l'adduction et la rotation interne. Y el peroneo va a controlar la adducción y la rotación interna. Il faut d'abord ériger le fût tibial. Siempre lo que tenemos que hacer es erigir el tronco tibial. Et la plupart des gens qui ont parlé de biomécanique, en fait, ils parlent de biomécanique de l'homme couché. Y cuando mucha gente habla de la biomécanique, habla de la biomécanique del hombre tumbado. Le pied dans la main. Pied dans la main. Pied dans la main, c'est intéressant quand on fait de la thérapie manuelle. El pie en la mano es interesante cuando hacemos terapia manual. Mais pas pour raisonner. Pero no para razonar. Ok. Remettons les patients debout. Tenemos que colocar a los pacientes de pie. Alors. Donc, notre chaîne directe, on a l'extrémité céphalique et podale ou latérale. En la cadena directa tenemos extremidad empática y total o lateral. Et on va, la chaîne croisée, là on a exactement la même chose. Y en la cadena cruzada tenemos. Donc, pour mettre ça en évidence, para poner esto en evidencia, est-ce qu'il y a une chaîne directe? On a vu qu'on utilisait l'hypoextensibilité du solaire. Para una cadena directa vamos a utilizar la hipoextensibilidad del solio. Et pourquoi le solaire est hipoextensible? ¿Y por qué es el solio hipoextensible? Parce qu'il a trop de tonus. Porque tiene demasiado tono. Donc il va falloir jouer sur le tonus. Entonces tendremos que jugar sobre el tono. Pour le régulariser. Para regularizarlo. Est-ce qu'en Espagne, on utilise la notion d'Achille court? Est-ce que en Espagne, se utilise la notion de l'Achille corto? Et alors, quand il y a un Achille court, quel est le traitement? Cuando hay un Achille corto, ¿cuál es el tratamiento? Une talonnette. On va juste essayer de réfléchir par rapport à ça. Pensar un poquito sobre esto. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la grande majorité des cas, lo que hay que entender es que en la gran mayoría de los casos, il y a une erreur de raisonnement. Hay una error de razonamiento. Parce que, admettons, porque si admitimos que s'il y a véritablement un Achille court organique, si realmente existe un Aquiles corto orgánico, et que la talonnette soit adaptée. Y que la talonera está adaptada. C'est peut-être pas le cas, mais on va pas discuter ça. Quizá no es el caso, pero vamos a discutir esto. Ça va représenter quel pourcentage des achilles des limitations de flexion. Esto nos va a representar qué porcentaje de limitación de la Aquiles corto. Peut-être 1%, à peine. Quizá un 1%. Donc, il y aurait 1% d'organique. Puede que haya un 1% de orgánico. Et on en déduit un traitement pour 100%. Y hemos hecho la deducción de un tratamiento para un 100%. Parce que dans la majorité des cas, vous l'avez vu. Porque la mayoría de los casos, como lo vimos ayer, bah, parfois, le simple fait de modifier la position de la tête va modifier l'angulation au niveau des talons pleurales. Vamos a poder modificar la angulación a nivel talón pleural. Mais ça, c'est grave comme idée, parce que si on poursuit l'idée, un achille court, est-ce qu'on va le traiter avec une talonnette? Pero esta idea es peligrosa, porque entonces si tenemos un aquiles corto, lo vamos a tratar con una talonera abajo, ¿eh? La talonera no puede rien traiter. La talonera no puede tratar nada. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Elle va augmenter le raccourcissement musculaire. Lo que va a hacer es va a aumentar el acortamiento muscular. Donc, si on veut être logique, le seul traitement, c'est de faire une ténotomie. Si nos quedamos la lógica, el único tratamiento que podemos hacer es una tenotomía. Alors peut-être que dans certaines pathologies neurologiques ou certaines pathologies, il ne faut pas exclure la ténotomie. En algunos casos neurológicos o orgánicos puede que no tengamos que excluir la ténotomía. Mais de là à la généraliser. Pero de aquí a una generalidad. Et la ténotomie, elle est logique. Y la ténotomía es lógica. La talonnette, elle n'est pas logique. Pero la talonera. Parce que quand vous mettez une talonnette, qu'est-ce qui va se passer? Porque cuando tenemos una talonera, ¿qué es lo que va a pasar? Quand on met quelque chose à l'arrière du pied, en dur, cuando tenemos algo en la parte posterior del pie, le corps il risque de partir en avant. El cuerpo lo que intenta es irse hacia adelante. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on va augmenter le tonus de la chaîne directe postérieure. Lo que vamos a hacer es aumentar el tono de la cadena directa posterior. Est-ce que c'est évident pour vous aujourd'hui? Esto es evidente para vosotros. Donc, il n'y a pas de traitement, tel symptôme, tel traitement. Entonces, no existe tratamiento, este síntoma, este tratamiento. C'est plutôt la question, quelle hypertonie, quelle posture? Lo que hay que preguntarse es, ¿qué hipertonía, qué postura? Et une talonnette, ça peut être délétère, éventuellement, au niveau du développement du rachis. Donc, vous vous rappelez, c'est quoi la première règle au niveau médical qui est universelle? Primum, non. Donc, et il est inadmissible de mettre des choses sous les pieds sans regarder ce qui se passe dessus. Et quand vous mettez, peut-être que parfois il y a besoin de mettre des talonnettes, mais pas dire que c'est jamais. Si colocáis una talonera, no dice que nunca haya que poner talonera, quizá algunas veces Sí. Puisque là, on est dans la notion de chaîne. Si je mets une telle tête, il faut absolument que je vérifie bien la rotation de tête et posture dynamique cervicale. En esta noción de cadenas, si colocamos una talonera, es súper importante valorar la rotación de la cabeza y postura dinámica a nivel cervical. ¿Por qué? Porque yo dois toujours avoir les yeux à l'horizontale. Porque siempre tenemos que mantener la mirada horizontal. Plus ou moins, 2 degrés près. Más o menos, con una variación de 2 grados. ¿Y qué es que adapta? C'est les cervicales supérieures. Y los que van a adaptar van a ser las cervicales superiores. Donc, une talonnette, dans la majorité des cas, entraîne une perturbation cervicale. Y una talonera, en la mayoría de los casos, crea una disfunción a nivel cervical. En règle générale, les deux perturbent. En général, les deux perturbent. Ce qu'on voit avec les traitements et les semelles de posture, c'est qu'on est tout le temps en train d'ouvrir la personne et de la reculer. En général, con las plantillas posturales, lo que estamos intentando siempre es abrir a la persona y echarla para atrás. On est d'accord, on en a parlé l'année dernière. Quand je dis on ne voit jamais, c'est peut-être 1% des gens qui sont en arrière, ça n'existe pas. Ahí decimos que no encontramos nunca, pero bueno, puede ser el 1% de los casos, la gente que se va hacia atrás. Ce qu'on a. Pendant un temps, ce qui a été décrit comme des scapulums postérieurs. Durante un tiempo, lo que fue descrito como un scapulum posterior. En fait, sont des pelvis antérieurs. Realmente, lo que son pelvis antérieurs. Parce qu'il faut comparer par rapport au point fixe. ¿Por qué hay que comparar respecto al punto fijo? Et vous voyez rarement quelqu'un qui est dans cette position-là. Y es raro que encontremos a alguien que esté. Parce que si vous êtes comme ça. C'est difficile d'aller dans la porte. Tout le corps est fait pour dépenser peu d'énergie. Et hier, on avait évoqué le fait qu'il y avait un petit déséquilibre latéral. Et il y a également un petit déséquilibre antérieur. Donc, maintenant vous comprenez pourquoi le long péroné latéral est le gardien de la voûte. Por eso ahora entendéis bien por qué el peroné lateral es el guardián del castillo. Donc, ça, ça a été dit par Duchesne de Boulogne il y a 2 siècles. Esto fue dicho por Duchesne de Boulogne. Ça a été répété par beaucoup de gens qui n'ont pas compris pourquoi. Bon, donc on est OK pour l'hypertonie. Alors, au niveau de nos photos, on a vu qu'il y avait deux possibilités. Des photos, la prise de main. Donc, ça dépend, est-ce qu'on veut visualiser les choses de manière analytique ou globale? Es diferente si queremos analizar las cosas de manera analítica o global. Si je veux être analytique par rapport au solaire, si queremos ser analíticos de acuerdo con el solo, je vais avoir le pouce qui est plutôt en avant du calcanéon. Tenemos que tener el pulgar justo delante del calcáneo. Par contre, si je veux considérer le tonus globalement de la chaîne postérieure, pero si queremos considerar globalmente el tono de la cadena posterior, je peux me mettre au niveau des têtes métatarsales. Nos podemos colocar a nivel de las cabezas metatarsales. Donc à ce moment-là, je recueille le tonus des muscles plantaires plus du solaire et de la chaîne directe postérieure. Y entonces estamos mirando el tono de los músculos de la cadena posterior, tanto del solo como los que van para arriba. Et c'est peut-être plus facile à faire en mettant les pouces au niveau des têtes métatarsales. Y quizá es más fácil hacerlo con los Et puis, on va refaire un autre test. Y ahora haremos otro test. Donc, l'autre test, là, d'évidence. Aquí, otro test de evidencia. Donc, si on imagine que le l'interrogneur est comme ça. Si maintenant, donc, en faisant une supination, je vais l'étirer. Cuando hacemos una supinación, lo que vamos a hacer es estirar. Donc, si j'ai une supination qui est différente entre la droite et la gauche. Si tenemos una supinación que es diferente entre derecho y izquierdo. Je peux en conclure qu'il y a une hypertonie des muscles de la loge latérale, en fait. Vamos a sacar la conclusión de que existe una hipertonía de los músculos del compartimento lateral. Ça, c'est la vision analytique. Esto es la visión analítica. Et en fait, je peux conclure à une hypertonie des rotateurs externes d'un côté. Et podemos concluir que es una hipertonía de los rotadores externos de un lado. Donc là, le mouvement est limité à droite. Aquí el movimiento está limitado a la derecha. Donc ça veut dire que l'hypertonie est plus importante à droite. Eso significa que la hipertonía es mayor a la derecha. Donc ça, vous l'avez vu, on ne le redécrit pas. Esto lo habéis visto, entonces no lo vamos a volver a repetir. Donc, on arrive à notre tableau. Llegamos a nuestra tabla. Où j'ai une réponse fibulaire qui serait plutôt d'ordre croisé. Aquí tenemos una respuesta peronea, que es del orden. Mais on ne peut pas encore dire qu'il y a la chaîne. Hein, parce qu'on n'a pas l'autre extrémité. Hein, et puis, une directe supposée. Du côté gauche. Okay. Donc, dans ce cadre-là. Donc, on est dans une chaîne qui est comment là? Aquí estamos en una cadena. Les extrémités sont écartées. Las extremidades están separadas. S'il y a une chaîne, elle est en droit. Est-ce qu'on est d'accord? Si y a une chaîne, elle est en droit. S'il y a une chaîne mixte, elle est en droit. D'accord? Si hay una cadena mixta, será una maja. Donc là, on va se mettre au niveau de la tête. Aquí nos vamos a colocar a nivel de la cabeza. On va confirmer nos chaînes directes. Vamos a confirmar nuestras cadenas directas. On va retrouver pas. Et là, on est dans le cadre. On a dit qu'on est dans des chaînes mixtes. On va la confirmer. Entonces estamos en el cuadro de que podemos tener cadenas mixtas. Lo vamos a confirmar. Donc à gauche, on va trouver une hypertonie, donc une hypomobilité du crâne à la traction. Entonces, en la zona izquierda podemos encontrar una hipomobilidad, una hipertonía de la cadena recta izquierda. Est-ce que tout le monde a bien senti ce côté élastique, un moment qui n'est plus élastique? ¿Habéis sentido todos este momento que es elástico o deja de ser elástico? S'il n'y a pas d'hypertonie, là. Donc, vous avez bien compris que le tonus, il dépend de deux choses. L'élasticité musculaire dépend de deux choses. L'élasticité musculaire dépend de deux choses. La viscoélasticité des tissus. De la viscoélasticité de los tejidos. Tous les tissus ont une capacité d'élasticité. Todos los tejidos tienen una capacidad de elasticidad. Même les os. También los huesos. Mais également, il y a une action neurologique. Pero de la misma forma existe una acción neurológica. Qui est le tonus. ¿Qué es el tono? Et le tonus, sa particularité, c'est que quand le seuil des fuseaux neuromusculaires est trop bas. Y el tono tiene la particularidad de que cuando el umbral de los fuseaux neuromusculaires de los huesos neuromusculares es muy bajo. À ce moment-là, la contracción muscular va a déclencher pour tout et n'importe quoi. Esto hace que la contracción muscular exista por todas partes. Ça, c'est une activité tonique, donc neurologique. Esto es una actividad tónica, neurológica. Donc mon bras, je dois pouvoir étirer mon biceps brachial. Podemos estirar el bíceps brachial. Et le contrôle après il est articulaire ou musculaire dans son élasticité, sa viscoélasticité. El control se hace a nivel articular o muscular a nivel de la elasticidad. Mais si je pars d'une position moyenne et que je pousse et que ça ne peut pas s'étendre. Si empujo desde una posición media y no le dejo que se estire. Comprenez bien que là je suis plus sur l'élasticité. Estamos empujando en la elasticidad. Je suis sur le contrôle neurologique. Estoy en el control neurológico. Par l'intermédiaire des fuseaux neuromusculaires et du tonus. Mediante los fuseaux neuromusculaires y el tonus. Est-ce que ça, c'est bien clair pour vous? C'est un peu mieux. Donc, si quelque part, vous comprenez que le tonus, il marche pareil du corps, et il peut varier pour tout n'importe quoi. Si, vemos que el tono va, no va en mi cuerpo, esto puede... Oui, par exemple, le fait de tourner les yeux à gauche ou à droite. Ah, vale. El efecto entonces de... Estaba entendiendo otra cosa. El efecto, por ejemplo, de girar los ojos hacia un lado o hacia el otro. Est susceptible de modifier l'angulation au niveau du canal pleural ou des subtalaires. Est susceptible, peut faire que varie l'angulation au niveau de la canal pleural. Donc, imaginez qu'un enfant ait un problème d'hypertonie du solaire parce qu'il a un problème oculomoteur. Imaginez, par exemple, que tenemos un niño qui a un problème de l'hypertonie du sol parce qu'il a un problème oculomoteur. Est-ce que ça vous paraît intelligent de faire une ténotomie? Vous paraît intelligent de faire une ténotomie? Au niveau de son achille. Et en el Aquiles. Est-ce que de la même façon, ça vous paraît intelligent de mettre une talonnette? Et de la même façon, vous paraît intelligent de colocar une talonnette? Et ça peut marcher à l'envers. Et ça peut marcher à l'envers. Si un enfant, pour X raison, a une perturbation, il se fait une entorse. Por ejemplo, un niño, esto puede ser al revés. Por ejemplo, un niño se puede hacer un esguince. On va activer quoi? On sait que dans les entorses, on active le plus fréquemment les péroniques. En una entorsis, lo que vamos a activar, lo más frecuente que podemos activar son los peroníos. Donc, si j'active, mettons je me fais l'entorse à droite, j'active mes péroniques à droite. Si me hago el esguince en el lado derecho, voy a activar los peroníos en el lado derecho. Qu'est-ce qu'il va faire mon corps? ¿Qué es lo que va a hacer mi cuerpo? Partir à droite. Se va ir hacia la derecha. Et en même temps, il va tourner. Et du même modo, va faire une rotation. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire au niveau des yeux? Qu'est-ce qu'il va falloir faire aux yeux? On va créer des spasmes sur les oculomoteurs du côté opposé. Vamos a crear un espasmo a nivel de los oculomotores del lado contrario. Et si les spasmes sont trop importants et durent trop longtemps, y si estos espasmos son bastante importantes y duran en el tiempo, bah, peut-être que parfois j'aurai une vision double. Puede que lleguemos a tener una visión doble. Et si j'ai une vision double, qu'est-ce que je fais? Y si tengo una visión doble, ¿qué hago? Je scotomise un œil. Vamos a hacer una escotomía, de un ojo. Et à ce moment-là, je deviens un ojo. Y entonces nos vamos a volver a un miopes. C'est une des causes du strabisme, c'est l'amblyopie. Es una de las causas del estrabismo, que es la miopía. Donc ça veut dire que les deux yeux voient bien, 10 sur 10. Esto significa que los dos ojos ven bien, 10 sobre 10. Mais que l'enfant en utilise qu'un. Pero el niño utiliza solamente uno. Pourquoi? Bah parce que le cerveau n'aime pas avoir deux images qui ne sont pas superposées. Pourquoi hace esto? Porque el cerebro no le gusta tener dos imágenes que no están superpuestas. Est-ce que c'est OK pour vous? Sí. Parce que je suis persuadé que la grande, grande majorité des thérapeutes et tous ceux qui sont ici sont de bonne volonté. Él está seguro de que la mayoría de los terapeutas y todos los que estáis aquí tenéis buena voluntad. Mais des fois, on ne comprend pas la conséquence de ce qu'on fait. Pero a veces no entendemos la consecuencia de lo que hacemos. Puis, quelque part, on a raison parce qu'on ne nous l'a pas appris. En parte, tenemos razón porque no lo hemos aprendido. Hein, mais il faut aller au-delà de ce qu'on a appris dans les universités ou dans les écoles. Pero tenemos que ir un poquito más lejos de lo que hemos aprendido en la universidad. Parce qu'en règle générale, en podologie, mais comme ailleurs. En règle, como regla general, en podología, pero también en otros sitios. On nous dit, il faut faire ça. Nos dicen, hay que hacer esto. Mais on nous explique jamais pourquoi. Pero no nos explican nunca el por qué. Donc, on continue à remplir notre petit tableau. Vamos a ir rellenando la tabla. Donc, si j'ai un soumis épineux à gauche et un soleil à droite, je peux dire que j'ai une chaîne. Si tenemos un soumis épineux à la izquierda y un sol à la izquierda, vamos a decir que tenemos una cadena. Bien. Donc, bien. Donc maintenant, si je mets mes mains en chasse-neige, si coloco las manos haciendo puña, hein, je vais contacter des muscles qui sont des muscles latéraux par rapport à la base du crâne. Vamos a contactar los músculos que son laterales en la base del cráneo. Notamment le splenius. Sobre todo el splenius cefalico. On trace l'hypomobilité à gauche. Vamos a hacer una tracción y hay una hipomovilidad izquierda. Je vérifie que je la retrouve au niveau podal. Vamos a verificar que encontramos a nivel podal. Et donc je vais me retrouver là avec, si j'ai un splenius de la tête à gauche, et un fibulaire à droite avec une chaîne qui est une chaîne. Si tenemos un esplenio de la cabeza en la izquierda y un peroneo en la derecha, tenemos una cadena. Troisième. Donc, si on regarde ce qui se passe au niveau podal, si miramos lo que pasa a nivel podal, donc on a quoi? Une directe gauche, une croisée droite. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos uno directo izquierdo y uno. Donc au niveau des pieds, on va voir que c'est écarté. Et vemos que a nivel de los pies esto está separado. Donc là j'ai une chaîne en. Y aquí podemos decir que tenemos una cadena en A. Est-ce que ça c'est clair pour vous? Está claro. D'accord. Alors, quand on va avoir une chaîne en A, on va faire l'interrelation au niveau des pieds. Quand on a une cadena en A, vamos a hacer una interrelación a nivel de los pies. Donc, on va rechercher la chaîne dominante. Vamos a buscar la cadena que domina. Donc, on va tester la talon crural de la chaîne directe droite dans cet exemple. Por ejemplo, vamos a testar la, el talon crural de la cadena directa. Donc, on l'a vu en translation. Hemos visto que es en translation. Et on va demander au patient de bouger son pied en extension. Y le vamos a pedir al paciente que mueva el pied en extensión. Donc, le pied, évidemment, se mueve la tête. Evidentemente, el pie de. El pie controlado. Si je fais une extension. Si hacemos una extensión. Je relaxe el soleil et les fibulaires. Si hacemos una extensión, estamos relajando el suelo y el peroneo. D'accord? Donc, si je vais avoir une amélioration. Si queremos una mejoría. Ça veut dire quoi? ¿Qué significa? Ah, si tenemos una mejoría, ¿qué significa? específica dans ce que je produis. Cabía la carrera ya de así, la ascensión. Y como no tiene donc tu gardes la même, le même raisonnement mais en gardant la bonne chaîne. Voilà, donc on diminue les contraintes au niveau du fibulaire gauche. Entonces disminuimos la tensión a nivel de los peroneos izquierdos. Donc si vous voulez quelque part, on pourrait dire on réintègre la chaîne croisée gauche. Y lo que podemos decir de otra manera es que reintegramos o integramos la cadena cruzada izquierda. Donc si ça améliore à droite, si, je teste. Si mejora en la derecha. Donc le côté que je teste. El lado que estoy testando. Ben, ça veut dire que la croisée gauche domine la directe tout ça. Ce que ça signifie, c'est que la cadena cruzada est la qui est dominante à la ligne. Vous comprenez? Regardez. A et B, là on les remplace par quoi? Chaîne directe, chaîne croisée. A et B, que van a representar? Cadena directa et cadena cruzada. Donc, si j'active une chaîne, là la croisée, est-ce que j'ai une modification sur la directe? Si estoy activando una cadena, en este caso la cruzada, est-ce que existe una modificación en la directa? C'est tout. Maintenant, si on veut rentrer dans quelque chose d'un peu plus analytique, si, au lieu de dire chaîne directe, je dis en termes de muscle solaire. En vez de decir cadena directa, en términos musculares, vamos a decir solo. Et en termes de chaîne croisée, je dis péroné. Y como cadena cruzada, vamos a decir péroné. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est toujours A et B. Pero lo que quiere que os quede claro es que siempre es A y B. Est-ce que A domine B ou est-ce que B domine A? ¿Es A quien domina B o es B quien domina A? C'est rien de très compliqué. No es nada complicado. Donc, mon introduction tout à l'heure, c'était pour dire si c'est pas compliqué, ne vous compliquez pas les choses. Sí, lo que os quiero decir es que si es algo que no es complicado, no lo compliquéis. Donc, s'il n'y a pas de modification, si no hay ninguna modificación, bah, qu'est-ce qu'on veut dire que la chaîne croisée ne domine pas la chaîne directe? ¿Qué es lo que decimos en este caso? Que la cadena cruzada no está dominando a la cadena directa. Est-ce que c'est clair pour vous? Sí. Mais, donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Bah, le test contraire. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El test contrario. Donc, je vais évaluer la disfonction au niveau de la chaîne croisée. Vamos a evaluar la disfunción a nivel de la cadena cruzada. Je vais demander à la patiente de faire une extension avec sa, son côté droit. Y entonces le vamos a pedir al paciente que haga una extensión del lado derecho. Ça me permet de voir s'il y a une dominance. Vamos, esto nos permite ver si hay una dominancia. En règle générale, il y a une dominance. En, como regla general, suele existir una dominancia. S'il n'y avait pas de dominance, ce qui est envisageable. Et si no hay ninguna dominancia que podamos observar. Ça voudrait dire que, en fait, on a une perturbation qui est hiérarchiquement plus élevée. Et lo que esto va significar es que habrá algo plus élevé, plus important. Una dominancia jerárquicamente más importante. Ce qui laisse supposer quoi? Vamos a suponer el qué? Que peut-être qu'il y avait une dysfonction systématisée. Que seguramente tendremos una disfunción sistematizada. Pero como solamente estás haciendo la función, solamente actúas sobre la familia abajo, sobre la parte de arriba. En vez de podría ser de la prioridad que era de arriba, o no lo sé, no lo sé. Mira, es que sabe decir que perder ese antojo, la dominancia, No vayas demasiado rápido. La question que estamos en train de faire. La pregunta que nos estamos haciendo. On a deux chaînes. Tenemos dos cadenas. Donc, il faut d'abord savoir, est-ce que c'est la directe ou la croisée? Entonces, tenemos que saber, ¿es la directa o es la cruzada? Et après, dans un deuxième temps, y luego, en un segundo tiempo, une fois qu'on a déterminé une, cuando ya hayamos determinado una cadena, bah, je pourrais chercher, est-ce que c'est le haut ou est-ce que c'est le bas? Vamos a buscar si es arriba o es abajo. Parce que si je ne dissocie pas les chaînes d'abord, porque si no disociamos las cadenas en un principio, les deux possibilités en bas et les deux possibilités en haut. Tenemos dos posibilidades abajo y dos posibilidades arriba. Donc, autant je me débarrasse d'abord d'une chaîne. Entonces, nos tenemos que quitar una cadena de encima. Ok. Donc. du mouvement de supination à gauche. Entonces, si hacemos una extensión en la izquierda y es la cadena que domina la izquierda, oiga, ya que tiene usted derecha. Si hacemos una extensión en la derecha y es la cadena que está dominando, vamos a ver, vamos a tener una mejoría en la supinación de la izquierda. Le principe est correct. Le principe est correct. Alors, en fait, c'est l'échelle, c'est très facile à comprendre. Le principe de las cadenas es muy fácil en el avión. Mais on s'embrouille très facilement. Pero nos liamos muy fácilmente. C'est pour ça qu'il faut revenir toujours à je compare A à B. Lo que tenemos que tener en la cabeza es que siempre tenemos que volver a la idea de comparar A con B. Y après, on dira que A, dans ce cadre-là, il veut dire ça ou ça. Y entonces, lo que vamos a hacer es decir A, en este cuadro, significa esto o esto. Parce que pour les gens qui ont des difficultés entre la droite et la gauche, porque con la gente que tiene dificultad con izquierda-derecha, les chaînes, c'est terrible. Las cadenas son buenas. Volvemos a eso. Del pie. Pero para integrar la cruzada también hace una extensión en vez de una supinación, cuando con la cruzada hemos llegado a la Mais quand tu fais. Ah non, ça aurait pas été une sublimation, ça aurait été une pronation, je voulais dire. Lo que tendría que ser no una sublimación, sino una pronación. ¿Qué? Para integrar, claro. Yo digo, antes hemos relacionado la cadena cruzada con la supinación y los peroneos. Y cuando la queremos integrar aquí para hacer una interrelación, ¿por qué hacemos la ascensión y no la supinación? Y là, on est sur une chaîne. ¿On est sur quelle chaîne, là? À droite, on est sur une chaîne. Aquí. ¿On est sur quelle chaîne, à droite? Aquí, ¿qué tipo de cadena estamos? En la derecha. En la derecha, directa. ¿Pourquoi tu parles de supinación? ¿Y por qué estás hablando de supinación? No, porque yo digo en el caso anterior, en el que queremos integrar la cruzada. No, mira, a una vida ya. Está bien. ¿Dónde se queda? En este caso. Sí. Derecha, estamos integrando la directa para compararla con la cruzada, que es la izquierda, ¿no? Una opción de integración de con barrera, ¿no? Sí. Y donc là, là, dans ce cadre-là, il n'est pas adapté de parler de supination par rapport au côté droit, puisqu'on est une chaîne directe. En este caso, no tiene sentido que preguntes la supinación porque estamos en una cadena directa. Sí, pero yo pregunto en el caso anterior, que vuelve a hacer una extensión, vuelve a hacer una supinación. Me demandé que en la liga anterior pude integrar el chain base. Se la llevo. Ahora estamos aquí. Vale. Bueno, yo vous dis que c'est simple, mais vous essayez toujours de compliquer. Yo, él nos dice que es simple, pero siempre lo intentéis complicarlo. Y cuando estamos aquí, si estamos aquí, ¿estáis hablando de otra cosa o lo estamos complicando? Ah, bueno, ¿es que ese caso de figura es claro para todo el mundo? ¿Esto de aquí está claro para todo el mundo? Sí. Ok, entonces, a partir de ahí, podemos decliner esto. Ahora podemos. Ahora, hacer lo que queremos. Cuando hemos hablado de Tony. Cuando hablamos de eutonía, eutonía, ça veut dire équilibre du tonus. Esto significa equilibrio del tono. Ah, on a un tonus qui devient relaxé. Tenemos un tono que vuelve a ser relajado. En opposition à hypertonie. Es el opuesto de la hipertonía. Et comme on ne compare pas la droite à la gauche, on ne va pas parler d'isotonie. Non, on va parler d'isotonie. Qu'est-ce que comme on ne compare pas la droite à la gauche, comme on ne compare pas la droite à la gauche, on ne peut pas parler d'isotonie. Non, podemos hablar de isotonie. C'est pour ça qu'on dit eutonie, qui est un tonus. Y hablamos de eutonía, que significa que existe un tono fisiológico. Porque si on parlait d'hypotonie, on serait encore dans un tonus qui serait non fisiológico. Porque si hablamos de hipotonía, lo que estamos hablando todavía es de un tono no fisiológico. C'est juste des problèmes de définition pour qu'on se comprenne. Son problemas de definición para que nos podamos entender bien. Ok. Uno no es obligatorio que lo tengamos que comparar. puisque tu peux avoir des gens qui sont en hypertonie partout. C'est le principe de la dysfonction systématisée généralisée. Podemos tener gente que esté con hipertonía por todo. Es el principio de los sistematizados generalizados. D'accord? Alors, là, la comparaison se fait pas entre la droite et la gauche. En este caso, la comparación no se hace con derecha e izquierda. La comparaison se fait par rapport à des expériences antérieures. Pero sí que haces una comparación respecto a tus experiencias anteriores. On reprend l'élastique, tu mets l'élastique dans tes mains. Coges una goma. Vas-y, mets l'élastique dans tes mains. Coge una goma en tu mano. Tu mets l'élastique dans tes mains. Okay. Au départ, tu l'étires. Al principio lo tiras. Ça c'est et tu relâches, ça revient. Y luego lo relajas y vuelve. Ça c'est physiologique. C'est physiologique. Et puis tu t'étires. Et tu sens que si tu étires plus, tu peux, mais ça va faire quoi si tu étires plus? Tu estiras, pero llega un momento que ya no se estira más. Pero en este caso, si lo estiras más, ¿qué pasa? Ça va casser. Donc là, en termes physiques, c'est ce qu'on appelle, on est en train de passer d'une phase élastique à une phase plastique. Esto, en términos físicos, llamamos que pasamos de una fase elástica a una fase plástica. La physiologie au niveau des tissus, c'est l'élasticité. La physiologie au niveau des tissus est la élasticité. J'étire, ça revient à la position initiale. Estiro y vuelve a su posición inicial. Si j'étire trop fort, si estiro demasiado fuerte, je vais avoir perturbé l'élasticité. Lo que voy a hacer es perturbar la elasticidad. C'est-à-dire que je peux étirer et ça ne revient plus à la situation initiale. Puedo estirar, pero ya no vuelve a su posición inicial. Ça veut dire que j'ai cassé quelque chose à l'intérieur du mécanisme. Eso significa que hemos roto algo en el interior del mecanismo. Et si je tire encore plus, ben ça va casser. Y si estiro más, entonces se va a romper. Donc, on reprend la même chose. Donc là maintenant, je vais faire quoi? Je teste la chaîne directe à droite. Qu'est-ce que nous faisons ici? Testo la cadena directa derecha. Et on voit que la flexion est limitée. Y vemos que la flexión está limitada. Je positionne ma main qui va permettre de comparer avec l'autre chaîne à gauche. Colocamos la mano en la posición para compararlo con la otra cadena. Si vous voulez, tout le monde est attentif parce qu'on voit que c'est simple, mais vous avez quand même du mal. Encore un petit peu d'attention. Intentar atender esto porque vemos que sí, pero todo el mundo tiene los problemas. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ma main motrice à droite? Qu'est-ce que nous allons faire avec la main motrice à droite? En la droite. Je vais détendre la chaîne croisée. Vamos a relajar la cadena cruzada. Alors, le mouvement, en fait, il associe l'extension à la pronation. Vamos a asociar la extensión con la pronación. Et puis, donc, d'abord, je détends la chaîne croisée. Entonces, primero, vamos a relajar la cadena cruzada. Est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau de la chaîne directe? Y es que pasa algo en la cadena directa. Si la flexion, la flexion est augmentée. Si la flexion, ça amplifica. À ce moment-là, ça veut dire quoi? Esto que significa. Alors, qui dit que c'est la droite qui domine? Qui dit que c'est la derecha la que domina? Qui dit que c'est la gauche? Qui dit que c'est la izquierda? Et les autres? Et les demás, qu'est-ce que vous êtes obligés d'avoir un avis? Thank you. función que tenéis, hay un error. Tenéis cadena directa dominante, cadena cruzada dominante. Es muy confiado para que escrito cadena directa dominante. Ah, el francés está bien. Cadena cruzada. Entonces, no es cadena directa dominante, es cadena cruzada. No, es que nada más se me ha ¿Esto lo habéis entendido bien? Ahora sí. Ya es que no, ya es que me estaba haciendo un cacao, digo, y no me cuadra. Joder, con la veo, macho. Joder, digo, si es que no me Creo que es una 30. No, maintenant, on va faire la même chose avec les chaînes en V. Ahora vamos a hacer lo mismo con las cadenas. Y vamos a hacer la interpolación toujours dans la partie ouverte, dans la partie écartée. Y vamos a hacer la interrelación, como siempre, en la zona más distante. Donc, y ahí vamos a separar. Dans le V, la partie ouverte, c'est la partie céphalique. En la V, la parte más separada es la parte céphalica. On pourrait faire autrement, mais si vous êtes sur la pointe du V, vous allez avoir les doigts qui sont pratiquement au même endroit. Lo podemos hacer de otra forma, pero si es la punta de la V, las manos van a estar tan juntas que va a ser mucho más difícil. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de pratiquer comme ça. Y entonces por eso se dice que se haga de esta manera. Donc, l'interrelation toujours dans la partie ouverte, céphalique pour les V, caudal pour le V. Entonces, la interrelación siempre en la parte abierta, cefálico para la V y caudal para la A. Donc, on va voir d'un point de vue pratique. Vamos a ver desde un punto de vista práctico. Donc là, c'est un petit peu particulier quand on pourra faire du ski. Esto es una particularidad con la que hacemos el ski. Parce que vous avez un ski qui fait du chousse et l'autre ski qui fait du chasse-pêche. Vamos a tener un ski qui fait du chousse et l'autre qui va faire du. Par rapport au positionnement des mains. Esto de hecho sí que ya se puede ver. No. Bueno, paralelo. Es que Pourquoi on dit chousse et chasse-pêche? Pourquoi decimos chousse et cuña? Ou parallèle et cuña? Non, chousse. Non, parallèle. Chousse et chasse-pêche. Pourquoi on dit ça? Pourquoi dit test? Parce que le premier test, c'est quoi? Le premier test, quoi est? Le skieur. Et le skieur. No, c'est purement mnémotechnique. Et je pense que qui ne comprend pas le terme chasse-neige et le terme chousse. Qui entiende lo que significa un chousse et lo que significa una cuña, esquiando. Même si vous n'avez jamais fait de ski, vous avez déjà vu un skieur à la télé, la chousse. Aunque no hayáis esquiado, seguramente habéis visto en la tele a alguien. Quand les skieurs ils font de la descente et qu'ils voient 200 à l'heure. Et quand on fait le dessin de feu, le salto de ski, quand on voit 200 à l'heure. À ton avis, leurs skis sont comment? Donc, ils sont dans la position, ça c'est ce qu'on appelle la position de chute. Pues eso, igual que tú sabes, Tu lui dis qu'il va bien mieux les Jeux Olympiques aussi. Le prochain stage, il est à quel mois? Donc il va y avoir de la neige à côté. On va aller faire une journée à la station de Grand Père. Savoir, est-ce que la croisée domine la directe? Est-ce que la cadena cruzada la question je pose. Donc, je prends un référentiel par rapport à ma chaîne directe. Lo que vamos a hacer es coger una referencia respecto a la cadena directa. Ça va être en hypomobilité. Una hipomovilidad. Je vais stimuler l'autre chaîne. Estimulamos la otra cadena. Donc, je tracte dans la direction croisée. Hacemos una tracción en la dirección cruzada. Et à ce moment-là, est-ce que j'ai une restauration du mouvement ou pas dans la chaîne directe? Y eso significa, ¿existe una restauración del movimiento a nivel de la cadena directa? Si j'ai une restauration du mouvement, ça veut dire quoi? Si hay una restauración del movimiento, ¿qué significa eso? La chaîne croisée, comment la chaîne directe? ¿Qué es la cadena cruzada, la que está dominando la directa? Si c'est pas le cas, pero si no es el caso, je peux rien en déduire parce que il n'y a pas toujours une violence. No puedo deducir nada porque no siempre puede haber existe una dominancia. Mais je fais le contre-test. Pero lo que vamos a hacer es el contratest. Donc le contre-test, c'est quoi? Ce coup-là, j'évalue le tonus de la chaîne croisée gauche. Para hacer el contratest, ¿qué hacemos? Evalúo primero el tono de la cadena cruzada. Et je teste à droite. Y testo la derecha. Et si la stimulation... Non, j'ai mis, j'ai inversé. On intègre à droite. Donc si la stimulation droite améliore, donc que c'est la chaîne directe qui est dominante. Vale, ha dicho que estamos en la derecha. No, estamos estimulando la derecha y estamos en la izquierda. Si mejora, es que significa que la derecha está dominando la izquierda. Mais revenez toujours, je compare A à B, j'ai un référentiel, je stimule, est-ce que ça change quelque chose ou pas? Pero es lo mismo de siempre, tenemos A y B, cojo la referencia, estimulo, si mejora, ¿estimular qué es? ¿Tracción? La que domina es la que estimula. Bon. Une fois que vous avez dissocié la chaîne croisée de la chaîne directe, una vez que hayáis disociado la cadena directa de la cadena cruzada, qu'est-ce que vous faites? Quelle est l'autre question que vous vous posez? ¿Qué es la segunda pregunta que os tenéis que plantear? Est-ce que c'est en bas? Est-ce que c'est en haut? ¿Está arriba o está abajo? Et ça, on a dit qu'on le faisait surtout à partir de l'extrémité céphalique. Y esto dijimos que lo hacemos a través de la extremidad céphalique. Donc, est-ce que ça, c'est clair pour vous? Ce qui est important de comprendre, c'est que l'examen clinique, c'est quoi? C'est une suite de questions. Lo que hay que entender es que el examen clínico es une succession de questions. Ah, una sucesión de varias preguntas. Donc, quelle est la première question que je me pose par rapport à mon protocole? On viendra sur les chaînes. Et on va admettre qu'on est dans un cadre où il y a deux chaînes. Une chaîne multiple, qu'elle soit en A ou en B, peu importe. La première question, en le cas où il existe deux cadenas. Une cadena mixte. Ok. Quelle est la première question que je me pose pour dire je m'oriente vers les chaînes? ¿Cuál es la primera pregunta que me hago para orientarnos hacia cadenas? ¿Qué cadena la primordial? El esquiador. Avant, aller plus en amont. Para orientarme hacia cadenas. Plus en amont. Voilà. Est-ce que le patient est localisé? Deuxième question. Si el paciente localizado. La segunda pregunta. L'esquiador. Donc, est-ce qu'il y a un suspect des chaînes dans le skieur? Si, nous avons de preguntar si il sospecha de cadenas, entonces esquiador. Troisième question. La tercera pregunta. On va. Quels sont les. Est-ce qu'il y a une suspicion de chaînes? Est-ce qu'il y a una sospecha de cadenas? Donc, croisé direct. Donc pour ça, je vais utiliser quoi? Les tests des loges latérales ou postérieures. Para esto, lo que vamos a usar es el test del compartimento lateral o posterior. Bien, donc pour l'instant, on en a deux. Voilà, on en a deux. Alors, on imagine qu'on a une réponse sur une croisée et sur une directe. Imaginamos que tenemos una respuesta a nivel de una cruzada y una directa. Ce qui est souvent le cas. Que es lo que nos vamos a encontrar la mayoría de las veces. Parce que regardez ce qui se passe si je fais le skieur. Mirad lo que pasa si hago el esquiador. Et que je crée une limitation sur la chaîne postérieure directe droite. Y crea una limitación en la cadena directa posterior derecha. Donc, je m'arrête précocement à droite. Me paro un poquito antes de la derecha. Et le côté gauche, il va faire quoi? Y la de izquierdo, ¿qué es lo que hace? Automatiquement, il va partir dans le plan frontal, le plan transversal. El lado izquierdo lo que va a hacer es automáticamente va hacia el plano directo, el plano frontal y a rotación interna. Le plan horizontal s'appelle le plan transversal. Y en el plano horizontal o en el plano transversal. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a une perturbation d'un côté, il y a forcément une répercussion de l'autre côté. Lo que hay que entender es que si hay un problema en un lado, suele haber repercusión en el otro. Donc, on a déterminé qu'on avait une chaîne mixte. Entonces, hemos determinado que tenemos una cadena mixta. Donc, quelle est la question que je pose après? ¿Cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer ahora? Tienes que ser. Voilà, bon. Chus. Une fois que j'ai déterminé, il n'en reste qu'une. Quand ya hayamos determinado que queda solamente una, qu'est-ce qui m'intéresse? ¿Qué nos interesa? En haut ou en bas? Arriba ou abajo? Est-ce qu'il y a un niveau de difficulté là-dedans? Intellectuellement, là je vous demande de réfléchir. Ahora sí que os pide que penséis. A nivel intelectual, ¿hay algún problema? Hein? En fait, c'est mathématique. D'accord, bon. Moi je disais interchaîne, donc entre deux chaînes, mais bon, pas du tout. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on vous a dit pour cette interrotation entre deux chaînes? Vous allez vers l'extrémité écartée. En haut pour le V, en bas pour le A. Entonces, para hacer esta interrelación entre las cadenas, nos vamos a ir a donde las extremidades están más separadas, o en V o en A. ¿Esto está claro? Après, il y a un autre type d'interrelation qui est une interrelation intra-chaîne. Y luego tenemos otro tipo de interrelación que es en la misma cadena. Donc, à ce moment-là, on a dit qu'on se mettait au niveau céphalique et qu'on regardait ce qui se passait en bas. Entonces nos colocamos a nivel cefálico y vemos lo que pasa. ¿Es que eso es claro? Bueno, si es claro, a vos, Julia. Si esto está claro, pues entonces vamos a hacer la práctica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dernière question. ¿Alguna otra pregunta?